aș prinde și la tăia. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40 da manhã, às 5h20 da tarde e às 10h30 da noite. Rádio Brasil 200. Uma nova estação de rádio para ouvir online com a redescoberta do país irmão. Ouvimos os portugueses que vivem no Brasil. E os brasileiros que vivem em Portugal. Nos 200 anos da independência do Brasil, recuperamos momentos históricos, ouvimos atuações de novos músicos, entrevistamos figuras da política, da cultura, do desporto. Rádio Brasil 200. Para ouvir em RTP Play, 24 horas por dia. A partir de 26 de setembro, às 11 da manhã. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-820-195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. RDP Internacional. Então as temperaturas máximas para o continente americano para este domingo: São Paulo 23, Nova York 18, 23 também para Los Angeles, 12 para Vancouver, 16 para Toronto, 25 para o Rio de Janeiro, 15 para New Bedford, para Caracas 27, Buenos Aires 17, Havana 28 e para Newark. A máxima prevista para hoje é de 18 graus. Uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Ora bem, convidados são três. Dois via telefone, passo a apresentá-los. O engenheiro Joaquim Batista, presidente da Câmara Municipal da Mortosa, que está exatamente na Mortosa. Temos também Michael Silva, o novo vereador do bairro leste de Newark, com laços à Mortosa. O pai nasceu na Mortosa, Alfredo Silva Júnior. A mãe, Maria Silva, nasceu no Monte, que é uma das freguesias do concelho da Mortosa. E em estúdio, o Dr. Pinheiro, que tem um livro magnífico, feito também com de parceria com Jaime Pascoal, Mortosa e Arria, na rota de Apolo. Para quem está em New York, bom dia, Michael Silva. Para quem está aqui em Portugal, para o engenheiro Joaquim Batista e também para o Dr. Pinheiro, boa tarde. Boa tarde. Para os meus amigos. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao auditório da RTP e um abraço, amigo e sentido, ao Dr. Pinheiro. E muito bom dia neste despertar madrugador para o Michael, porque enfim, a diferença horária. Falo ter que fazer este sacrifício para poder partilhar estes momentos connosco, mas espero que tudo esteja bem e que, enfim, este exercício das suas funções públicas estejam a ocorrer da melhor forma possível. Michael Silva, o meu amigo nasceu aí nos Estados Unidos? Diga, não estou a ouvir. Estava a perguntar se nasceu nos Estados Unidos. Sim, nasci nos Estados Unidos, os meus pais já faleceram, estavam vivos. Já estão aqui nos Estados Unidos há quase 80 anos. O meu amigo tem tido, ou tem mantido contactos com o concelho de onde nasceram os seus pais, ou não? Nós cruzámos em julho, se não me falha a memória, em julho deste ano, eu e o Dr. Pinheiro cruzámos com o meu amigo exatamente na Câmara Municipal da Mortosa. Sim, é um sítio que eu volto todos os anos com a minha família. Foi sempre o coisa dos meus pais para sempre ensinarem a mim e ao meu irmão onde é que vinham os meus pais e os meus avós. Só eu volto todos os anos para a Mortosa, tenho lá família, tenho lá amigos e é um sítio que eu também quero ensinar aos meus filhos de onde é que veio os avós. Já agora, se calhar nesta altura não é tão difícil como há uns anos atrás, mas neste momento suponho eu que a sociedade americana está muito mais aberta, digamos assim, para que pessoas, sendo e não sendo, digamos assim, não é? Porque um amigo nasceu nos Estados Unidos, mas, logicamente, que os seus pais são portugueses. Mas eu lembro-me que há uns anos atrás, largos, a sociedade americana não saberia muito a quem não fosse mesmo americano, no sentido de os pais terem nascido nos Estados Unidos e, portanto, haver a chamada árvore genealógica norte-americana. Neste momento, e suponho que, se calhar, até após a presidência de Barack Obama, que há uma abertura maior para quem, tendo nascido nos Estados Unidos, mas não tenha raízes, digamos assim, a nível da chamada árvore genealógica, neste momento os americanos estão mais abertos a quem vá e consiga subir, passa aqui a expressão, na sociedade norte-americana, não é? Porque o meu amigo é vereador da Câmara. Sim, senhor. Esta zona onde é que eu estou, em Newark, New Jersey, já tem raízes de mortuzeiros há mais do que 100 anos. Foi os mortuzeiros que vieram aqui primeiro para esta, para New Jersey, para Newark, New Jersey, e havia muitos mortuzeiros. Agora já não há tantos como antigamente vinham, e portugueses também já não vêm tantos como vinham há anos passados. Agora vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Soirée, événement. Une exclusivité, Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro da pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. Estou meu querer. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il Mange Verdade et Capa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Chegou a hora de viver a vida com alegria. Vivermos todos em harmonia. Chegou a hora de pensar nas falhas dos nossos dias. Chegou a hora de mudar o rumo da nossa vida. Bem alto, basta de guerras. Chegou a hora de acabar com a dor das crianças. Chegou a hora, o mundo tem de mudar e a alegria para todos tem de chegar. Já está na hora. A dor vai ter de acabar e a alegria para todos tem de chegar. O amor vai chegar e a dor vai ter de acabar. O amor vai chegar e a dor vai ter de acabar. Chegou a hora, chegou. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Toutes, voilà donc les 13h35 passées. Voilà donc, et bien retour avec l'émission tous les dimanches avec l'accordéon. Voilà donc, on a pu débuter l'émission avec un morceau portugais parce que c'est le groupe qui sera présent le 5 novembre tout simplement à la salle Montition. Voilà aussi, j'espère aussi que vous avez passé tout simplement une bonne matinée. Et puis aussi, j'espère que vous avez continué de passer une excellente journée, tout simplement avec les chansons différentes. Voilà, donc, plus tarder, on va débuter tout simplement avec l'accordéon. Et on va faire un petit tour avec la valse, avec André Verschuren. Et puis donc, si vous aimez et tout simplement les valses savoyardes, et bien donc en voici quelques uns petits coups à Véro. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, tout à l'heure on écoutait un peu le tango avec le vals, tout ça. Et le voici tout simplement avec le carillon. Nous avons un tour du côté de l'Alsace et on trouvera tout à l'heure d'autres musiques différentes.

Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Du Brésil avec toujours de la samba. Et puis juste après le Madison. la main lorsqu'on danse, on est si bien. On oublie tous nos chagrins ensemble. Toi et moi sur le même refrain, entourés par les copains. Ce soir on pense à rien. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Ma belle hirondelle avec Sylvie Pugel. qui est en retour avec une des chansons du Savoie, et puis juste après, petit tour du côté du Twist. Thank you.

réalisation Radio Arc-en-Ciel. Thank you. marmite qu'on aime bien entre nous. Siffler des chocs de bière, casser quand on est sous. On fait l'amour à même air une fois. Chez nous, j'dis, on chante, on rit. On a le soleil dans le cœur même quand il pleut. Il pleut lundi, il pleut mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, toujours il pleut. Le samedi, il pleut aussi. Heureusement qu'on a la famille, les amis. On boit la goutte, un tchat biloute. On fait la fête chez nous, les ch'tis, ça va même mieux. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Tout en... Voici donc l'accordéon Java. Et puis juste après, nous écoutera deux morceaux différents de Jean-Désiré Bailly. Le premier, c'est La Bourrée. Et le deuxième, La Valse. Thank you.

Voici donc qui vient tout simplement accordéon musette et puis juste après la fiesta musette. Arc-en-ciel, un amour de la femme. avec La Marche et avec tout simplement, elle s'appelle Guillaume Laure, et puis juste après un autre morceau de tout simplement de Marche avec Le Cultivateur. Pourtant si renommé, n'aura ni queue ni formé. Moi je voudrais être cultivateur, pour être heureux, tout seul sur mon tracteur. Moi je voudrais être un bon paysan, pour être heureux et passer du bon temps. Pour que ma femme ne manque jamais de persil, pour faire pousser, j'arroserai les plates-bandes. Avec mon jet, j'inonderai de pissenlits. Car j'adore ça, et ma petite femme aussi. Et oui, je ferai pousser radis et cornichons, poireaux, navets, salsifis et betteraves. Et puis des choux pour la population, avec dedans des filles et des garçons. Moi je voudrais être cultivateur, pour être heureux tout seul sur mon tracteur. Moi je voudrais être un bon paysan, pour être heureux et passer du bon temps. Si ton épouse s'en va seul au marché, dis-lui bien qu'elle ne perd pas ses légumes. Son panier quelque part est percé, qu'elle s'en aille pas sans que tu les recouches. J'aurai des vaches pour me donner du lolo, ma bonne ira leur presser les mamelles. Pour pas qu'il arrive un malheur à son pot de lait, j'aurai bien soin d'attacher mon taureau. Moi je voudrais être cultivateur, pour être heureux sur mon tracteur. Moi je voudrais être un bon paysan, pour être heureux et passer du bon temps. J'aurai des bœufs, des chevaux, des cochons, je les engraisserai pour faire de la charcuterie, pour pas qu'ils aient la queue en tire-bouchon. Le vétérinaire leur couvre les rognons. Peut-être qu'un jour je serai, ce serait beau, récompensé au salon agricole. Monsieur le ministre me nommerait aussitôt en commandeur de l'ordre du poireau. Moi je voudrais être cultivateur, pour être heureux tout seul sur mon tracteur. Moi je voudrais être un bon paysan, pour être heureux et passer du bon temps. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Voici Noval, c'est voici tout simplement René Groulier. Et juste après lui, on écoutera du passe-double. Que la lumière accuse, j'aime ta beauté rude, ton accueil fut un prélude. J'aime tes paysages aux mille et un visages, tes cendres, tes montagnes, le chant des cigales, la mer couleur opale, le vert gris des oliviers ne pourrait

comigo. É o fundo na que nos faz vibrar. No discoteca, é no bailarico. Quando este som toca, é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho. A favela com a favela refrão. Sentir o toque, ver o miudinho. A ficar grandinho, é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi. Salva a mí. Gerusalemme, questa è la mia vita. Io lo so, tu salvami, non lasciami così. Gerusalemme, questa è la mia via. Io lo so, tu salvami, non lasciami così. Non è casa mia, non è la mia via, non lo rotto mai il mio mondo vile. Io lo so, tu salvami, non è casa mia, non è la mia via, non lo rotto mai il mio mondo vile. E va! Io lo so. Après tout simplement Seb Presta, voici donc Marc Pascal et c'est un morceau de Vals. en couleur. En couleur. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc pour nous sommes déjà lundi demain, donc eh bien voici les programmations. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et puis donc le matin, donc à partir de 9h jusqu'à midi avec Jean-Pierre avec l'émission Vers Matin. Juste après, vous allez retrouver à partir de 17h jusqu'à 19h l'émission de Fernanda avec 100% Union. Et puis donc en soirée à partir de 21h jusqu'à 23h avec Rémi, avec Rédac du Sport. Voici donc les émissions pour demain. Voici donc on continue avec bien sûr l'accordéon. C'est aussi ça. Il s'appelle Louis Corchia et c'est du Fox. We'll be right back. sort, je vous emmène là où tout est beau. La jolie fille en bikini sur le sable chaud. Juste un regard pour croire à l'amour, à la gloire sous le soleil. Une étincelle et hop c'est parti. En un instant vous laisserez place à vos envies. Un zeste de folie, les valises sont remplies. Et bah y'a chérie, oh. Un bermuda, une casquette et quelques filles, et les voilà tout beau, tout chaud. Bien installés en première classe, champagne et hôtesse. À quel bonheur d'avoir le nez sur le hublot. Mais quand soudain ils aperçurent un grand iceberg, le capitaine s'écria, y'a un esquimau. Quelle compagnie, quelle compagnie. On a dû prendre pour se retrouver sur ce bateau. La compagnie, la compagnie, la compagnie. Ou pour une place acheter l'autre était en cadeau. Je suis et les lins sont rouillés. La pouvoir en mêlée, moi aussi. Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Soirée, événement. Une exclusivité, Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange verdade. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange verdade. Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Campo Negro le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Cette chanson portugaise qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochaine fois. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé une belle après-midi chez ma compagnie. On va se retrouver donc, comme je vous dis, prochaine fois. Voilà donc, et bien je vous dis bon soir à tous et à toutes. Et puis donc, profitez de votre fin d'après-midi. Et puis n'oubliez pas que la semaine prochaine, on recule d'une heure. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir. Sou assim. O telemóvel não chora, nem beija a tua mão. Eu não quero saber se estás bem ou não. Cartas que te dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão. Vou te escrever uma carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija a tua mão. Eu não quero saber se estás bem ou não. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas que te dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. amor. Carta escrita pela minha mão, com muita paixão.